بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Puis le lundi on fait Iqtida Surat al-Mustaqim. Puis après ces deux cours là, après ces cours là on va faire le cours de Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, puis Salat al-Isha, on va faire le tafsir de Surat al-Imran, Inch'Allah, du lundi au vendredi. Donc, on commence maintenant avec le cours de Al-Furqan, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 31 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan du Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec l'explication, les commentaires du Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Et on expliquait au dernier cours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique le hadith man nafasa an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya. Donc on expliquait ce hadith là puis le point que le cheikh il expliquait, c'est que wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est que la récompense, elle correspond, ou la rétribution, elle correspond aux œuvres qu'on fait. Donc celui qui fait du bien, il aura une bonne rétribution, et celui qui fait du mal, il aura une mauvaise rétribution, il sera rétribué par ce qu'il fait. Et que les serviteurs d'Allah, comme on l'expliquait aussi, ne sont pas tous au même niveau ou au même degré dans leur récompense, ou dans leur degré de foi, ou dans leur degré de walaya. Hein, ils sont pas, les awliya d'Allah ne sont pas tous au même niveau, ne sont pas tous au même degré. Il y a des awliya d'Allah qui sont plus rapprochés d'Allah, tandis qu'il y en a d'autres qui sont moins rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a parmi eux même qui peuvent parfois commettre des péchés, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessairement complètement en dehors de la walaya d'Allah. Ils sont rapprochés d'Allah par rapport à la proportion d'obéissance et de piété qu'ils ont, et ils sont aussi en même temps à cause de leur péché éloignés un peu d'Allah par rapport à leur péché. Donc c'est pas toujours soit 100% dans la walaya, ou soit 100% wali d'Allah, 100% wali du shaytan. Ça peut être à des degrés différents et à des proportions différentes. C'est ça qu'on était en train d'expliquer. Puis le cheikh, il continue, Ibn Taymiyyah a mentionné d'autres hadiths qui mentionnent ces points-là et qui confirment cette règle-là. Et il mentionne par exemple le hadith قال صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي حديث حسن صحيح, حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. Donc les deux hadiths, on va les traduire en premier, puis après on va les expliquer. Le premier hadith, Ar-Rahimun. Ar-Rahimun, ça veut dire ceux qui sont miséricordieux. Hein? Ar-Rahimun, ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres. Yarhamuhum Ar-Rahman. Yarhamuhum, hein, ça veut dire Allah leur fait miséricorde. Donc ça veut dire que ceux qui sont miséricordieux envers les autres, Allah sera miséricordieux envers eux. Le tout miséricordieux leur fera miséricorde. C'est ça le hadith. Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. C'est-à-dire, ceux qui sont rahimun, c'est-à-dire ceux qui ont de la miséricorde pour les autres, le tout miséricordieux, ar-Rahman, va leur faire miséricorde. Okay? Donc ça veut dire que, encore une fois, al-jaza'u min jins al-amal. La rétribution correspond à l'action. Tu as fait preuve de miséricorde, Allah te fait miséricorde. Hein? Donc c'est pour dire qu'il y a un lien entre l'action et la récompense. Et il dit, irhamu man fil ard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, irhamu man fil ard. Yarhamukum man fil sama. C'est-à-dire, faites preuve de miséricorde envers les habitants de la terre, et celui qui est aux cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, vous fera miséricorde. D'accord? Donc ça veut dire que, ça encore c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, au-dessus de sa création. Et en même temps, c'est la preuve qu'il a comme attribut la miséricorde, et qu'il fait miséricorde à ses créatures, et que c'est une rétribution pour leurs bonnes œuvres et leurs propres rétributions. Ensuite, il mentionne l'autre hadith qui est rapporté dans les Sunan par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ahmad et At-Tirmidhi dans son Sahih. Il a été donc At-Tirmidhi l'a authentifié, pardon. Donc il est dans Sahih At-Tirmidhi et il dit je suis Allah, c'est un hadith Qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah ta'ala a dit Ar-Rahman, hein, il dit je suis Ar-Rahman, je suis le tout miséricordieux. Khalaqtu Ar-Rahim, j'ai créé Ar-Rahim. Ar-Rahim c'est quoi? C'est yani les liens de parenté, parce que on appelle en arabe le ventre de la mère, hein, l'utérus ou bien la matrice là où le bébé se forme, on l'appelle Ar-Rahim, hein, Ar-Rahim. Et on dit les liens de parenté, hein, en islam on dit silatul rahim, le fait de garder les liens de parenté, on dit sila c'est le lien, rahim c'est la matrice, donc les liens de la matrice, les liens de l'utérus, c'est-à-dire les liens qu'on a entre nous à cause de justement du fait qu'on vient qu'on a les mêmes liens de sang, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les liens de parenté, il l'a appelé Rahim. Et c'est la même racine que Rahman, la même racine que Ar-Rahman et que Ar-Rahma, la miséricorde et le fait d'être miséricordieux. Donc Ar-Rahim et Ar-Rahma, il y a un lien dans le nom. Donc il dit ici, je suis Ar-Rahman et c'est moi qui a créé Ar-Rahim et j'ai tiré son nom du mien. J'ai tiré le nom de la matrice de mon nom à moi. Hein? Donc les liens de parenté, Allah a tiré le nom des liens de parenté de son nom à lui. Donc quiconque le relie, hein, relie ou garde les liens de parenté, Allah va le garder, hein, il va le préserver. Tandis que celui qui coupe les liens de parenté, Allah le coupera, hein, c'est ça ce qu'il dit. Celui qui la coupe, celui qui la garde, je vais la garder, ou celui qui la relie, je vais la relier, et celui qui la coupe, je vais le couper. On va lire maintenant l'explication de ça. Le premier hadith, le cheikh il explique, il dit: هذا الحديث الذي فيه أن الجزاء من جنس العمل الرحمون الذين يرحمون الناس ويلطفون بهم ويرفقون بهم ويطعمون الجائع يطعمون الجائع ويكسون العاري ويتصدقون على المحتاجين فإن الله يرحمهم جزاء كما رحموا عباده فإن الله يرحمهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والله عز وجل وهو الله عز وجل. هذا فيه إثبات العلو لله وأنه في السماء. Donc le cheikh il dit, ce hadith là ça prouve que la rétribution est toujours en accord avec les œuvres. Donc si tu es miséricordieux, Allah va te faire miséricorde. Donc ceux qui ont été doux envers les gens, qui ont fait preuve de douceur envers les gens, qui ont nourri les personnes qui avaient faim, qui ont vêtu les gens qui étaient nus, qui ont donné aux pauvres et ceux qui sont dans et à ceux qui sont dans le besoin, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, pour les récompenser, va leur faire miséricorde. Parce que eux-mêmes, ils ont été miséricordieux envers les autres. comme ils ont été miséricordieux, Allah va leur faire miséricorde. Irhamu man fil ard, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans les cieux. Et ça, c'est l'affirmation du fait que Allah est élevé au-dessus de sa création et qu'il est au-dessus des cieux. L'autre hadith, le shaykh il dit à son sujet, هذا أيضا فيه أن الجزاء من جنس العمل. فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه الله الجزاء من جنس العمل. الرحمن من أسماء الله وهو يتضمن الرحمة. الرحمن اسمه والرحمة صفته سبحانه وتعالى. والرحم مشتقة من الرحمن من الاسم اشتقاق الاسم فهذا فيه آكدة حق الرحم ورحم الإنسان هم أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أمه وهؤلاء هم أرحامه. Donc le cheikh il dit également dans le deuxième hadith, on voit encore une fois la règle que la rétribution correspond à nos actions. Donc la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui qui garde les liens de parenté, eh bien je vais le garder, et celui qui coupe les liens de parenté, je vais le couper. Donc il reçoit la rétribution de ce qu'il a fait ou pour ce qu'il a fait. S'il a gardé les liens de parenté, Allah va le préserver, il va le garder, et s'il les a coupés, Allah va le couper, hein, de la même façon. Donc la rétribution correspond aux actions. Et il dit que Ar-Rahman, c'est un des noms parmi les noms d'Allah. Et il implique l'attribut de la miséricorde. Parce que Ar-Rahman, ça veut dire celui qui est miséricordieux. Donc, Ar-Rahman, la miséricorde, c'est une de ses attributs. C'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui découle de ce nom-là. Et Ar-Rahim, qui est la matrice, comme on dit, eh bien, il est tiré du nom d'Allah qui est Ar-Rahman. Et le fait que le mot Ar-Rahim soit tiré du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, ça prouve à quel point le droit des liens de parenté est confirmé et très important dans la religion. Et qui sont les rahim d'une personne, hein, qui sont les gens qui rentrent dans qu'est-ce qu'on appelle al-arham ou silatul rahim? Eh bien c'est les proches de la personne, c'est les proches de quelqu'un. Quand on dit les proches de quelqu'un, c'est-à-dire les gens qui ont un lien de parenté avec la personne du côté de son père ou du côté de sa mère, d'accord? Donc, par exemple, ton père, ta mère, ils font partie de ceux qui ont un lien de parenté avec toi, bien entendu. Puis ensuite, tes frères, hein, tes sœurs, tes frères, tes demi-frères, tes demi-sœurs, si tu as des demi-frères et des demi-sœurs. Aussi, par exemple, tes grands-parents en montant. Et tes enfants en descendant, et tes enfants et tes petits-enfants, si tu as des petits-enfants aussi, et tes petits-petits-enfants, tes oncles et tes tantes, du côté paternel, du côté maternel, hein, et tes cousins, tes cousines, hein, du côté paternel, du côté maternel, tous ceux-là sont des gens qui ont un lien de parenté avec toi, hein, ils ont des liens de parenté avec toi. Donc, ils ont un droit sur toi. Et il dit, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ حَقًّا بَعْدَ حَقِّ اللَّهِ بَعْدَ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ حَقًّا بَعْدَ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ. قال عز وجل, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. فجعل حقهم في المرتبة الثالثة بعد حقه سبحانه وتعالى وبعد حق الوالدين, مما يدل على آكدة حق الرحم على قريبهم. وقد توعد الله من قطع رحمه باللعنة. قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ففي هذا الحديث أن من وصل رحمه وصله الله بالخير والنعمة والبركة في الدنيا والآخرة، وأن من قطع رحمه بته الله، يعني قطعه الله حرمه الخير جزاء على عمله. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a donné aux proches il a donné aux proches un droit. Mets le bois dans la porte. Oui. Ok. Donc, il a donné aux proches un droit après son droit à lui et le droit des parents. C'est-à-dire que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vient en premier. Puis ensuite le droit des parents, c'est-à-dire les pères et mères, puis ensuite le droit des proches. Donc ils viennent en troisième place, après le droit d'Allah, le droit du messager, le droit d'Allah, le droit des parents, puis ensuite le droit des proches. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a placé le droit des proches, des gens qui ont un lien de parenté avec nous, en troisième position après son droit et après le droit de nos parents. Et ça vient confirmer l'importance du droit de nos proches sur nous. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé toute personne qui coupe les liens de parenté de sa malédiction. C'est-à-dire que toute personne qui coupe les liens de parenté avec ses proches et qui refuse de garder les liens de parenté avec ses proches, il les a menacés de la malédiction, c'est-à-dire al-la'na en arabe. Et la malédiction, c'est-à-dire le fait d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc on va citer le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça justement. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. C'est le verset 22 dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَيَغْلِبُ عَلَى حَالِكُمْ إِنْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْإِيمَانِ إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أو تقطعون أواسع الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية. أي نعم. أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع القبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار. نعم. Donc l'explication de ce verset dans la traduction, ce qui signifie le verset 22: si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre les liens de parenté? Si vous vous détournez de la foi et que vous retournez à la mécréance, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur la terre et de rompre les liens de parenté comme vous le faisiez dans la jahiliya? Et ceux qui sont ainsi, c'est-à-dire qui font le désordre sur la terre et qui rompent les liens de parenté, ceux-là sont ceux que Allah a maudits et il les a donc rendus sourds. Donc ils ne peuvent pas entendre la vérité d'une manière qui est profitable pour eux. Et Allah a rendu leurs yeux aveugles de voir les choses et d'une manière qui leur permet de méditer, de comprendre et de prendre des leçons sur ce qu'ils voient. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre de mois ou de jours ou de combien de fois par mois ou par semaine ou par année. L'important, c'est qu'au moins de temps en temps, tu leur donnes un coup de fil, tu prends de leurs nouvelles, tu les appelles pour les saluer. Puis c'est tout, yani. Si tu peux les visiter en personne, certains d'entre eux, tu es capable de les visiter, ils habitent pas loin de chez toi, tu peux aller leur rendre visite une fois de temps en temps comme ça, une fois par année, une fois, deux fois par année, ou si tu peux plus que ça, yani, c'est comme selon ta capacité. L'important, c'est juste de garder un lien quelconque avec eux pour que ils sachent que tu vas bien et que toi tu sais qu'ils vont bien. Et puis aussi, s'ils sont dans la difficulté ou s'ils ont besoin d'aide, soit dans quelque chose, que ce soit une aide matérielle ou économique, ou bien d'aide dans d'autres aspects de la vie, que tu peux les aider. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Et ça va être un moyen peut-être aussi de les faire connaître la religion et de leur faire connaître l'islam et de les rapprocher de l'islam. Tandis que si, par exemple, quelqu'un, il est devenu musulman, mais parce qu'il est devenu musulman, il cesse de les fréquenter et ils refusent de leur parler, et quand ils ont besoin d'aide, il leur offre pas son aide, et quand ils ont une difficulté, il vient pas à leur aide, eh bien ils vont penser du mal des musulmans, parce qu'ils vont dire: regarde, cette personne, depuis qu'il est musulman, il m'a complètement abandonné, ou il ne me vient pas en aide lorsque je suis en difficulté. Ils vont donc penser que c'est quelque chose qui est dû à cause du fait que tu es devenu musulman, que tu deviens comme ça. Parce qu'ils vont dire: oh, avant, quand il n'était pas musulman, il était bon, il était gentil avec nous, il nous aidait. Puis là, maintenant, il est musulman, et puis tout d'un coup, il change, il ne vient plus nous voir, il ne nous parle plus, il ne nous salue pas, il ne nous aide pas si on est dans la difficulté. Donc, ils vont prendre ça dans ce sens-là. Et ça donne une mauvaise image de la religion, parce que les gens pensent après, par la suite, que c'est à cause de ça que tu refuses de leur parler. Et il y a des gens qui ont agi comme ça quand ils sont devenus musulmans, à cause de leur ignorance et à cause de leur manque de compréhension de la religion. Donc ils pensent que ça fait partie de al-wala wal-bara, du fait que tu dis: ah, ça c'est des kuffars, donc je veux rien savoir d'eux. Non, même s'ils sont des kuffars, ils sont quand même tes proches, ils ont des liens de parenté avec toi, donc ils ont un droit sur toi, même s'ils sont des kuffars. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en islam. Tu vois, donc malheureusement, il y a des gens, ils ont compris la religion à l'envers. Et ils n'ont pas pris la religion, la compréhension de la religion, ils ne l'ont pas prise des savants de l'islam. Ils l'ont pris de leur propre interprétation, de leur propre compréhension. Ils lisent un verset dans le Coran, ils pensent qu'ils l'ont bien compris, et en réalité, s'ils retournaient aux ulama, ils verraient qu'ils n'ont rien compris en réalité. Donc ça, c'est très important. Le cheikh, il explique donc que dans le hadith qu'on a expliqué, il y a l'explication donc que celui qui garde les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala va le garder en lui donnant le bien, il va le préserver, il va lui donner de sa grâce et de sa bénédiction dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tandis que celui qui coupe les liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala va le couper également, hein, en le privant de tout bien. Parce que la récompense et la rétribution, elle sera toujours en accord avec les œuvres que tu fais. Hein, comme on dit, al-jaza min jins al-amal. La rétribution est de la même catégorie que l'action. Et il mentionne le verset 60 dans sourate Ar-Rahman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan » Donc, est-ce que pour la personne qui fait preuve de bienveillance, hein, et de bonté et d'excellence dans son adoration, est-ce qu'elle aura une récompense autre que la bienveillance aussi? Donc, celui qui fait le bien, est-ce qu'il aura une récompense autre que le bien? Donc c'est comme si Allah il pose cette question en voulant dire, celui qui fait le bien, il n'aura de récompense que le bien. Hein? S'il a été excellent, il sera récompensé de façon excellente. S'il était négligent, il aura une récompense qui correspond à sa négligence aussi. C'est comme quand tu vas à l'école, tu étudies pour l'examen. Si tu n'as pas bien étudié, tu ne vas pas avoir une bonne note. Mais si tu as passé tout ton temps dans l'étude et tu as revisé, tu as bien fait les préparations, que tu as bien compris le sujet, tu vas arriver à l'examen, tu vas avoir 100%. Pourquoi? Parce que tu as fait les efforts, tu as travaillé bien, tu as bien revisé, et donc tu auras la récompense selon l'effort que tu as fourni. Et c'est la même chose par rapport à la religion d'Allah. Plus tu fais d'efforts pour Allah, plus que tu fais tes devoirs envers Allah, plus que Allah va te récompenser. Et ta note, hein, ou ta récompense va correspondre à l'effort que tu as fourni. Hein, et la sincérité de tes intentions aussi. Il dit ensuite, وَقَالَ وَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ. Donc c'est comme dans le hadith qu'on a dit par rapport aux liens de parenté. Celui qui garde ses liens de parenté, Allah va le garder. Celui qui coupe ses liens de parenté, Allah va le couper. Et ça, c'est pour établir le fait que, encore une fois, comme on disait, la récompense correspond à l'action. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il explique que ça signifie « Man wasalaha, yani ar-rahim, wasalahu Allah, yani jaza'an ala amalihi, wasalahu Allah, yani awsalahu ila kulli khayr. ومن قطعها أي قطع رحمه قطعه الله من الخير جزاء من جنس العمل هذا كله من الشيخ رحمه الله استفاضة في أن جزاء أهل الجنة يوم القيامة بحسب أعمالهم فمنهم السابقون المقربون ومنهم المقتصدون ومنهم الظالمون لأنفسهم ومنهم الكفار والمنافقين كما تقدم في سورة الواقعة وسورة الإنسان. Donc il dit, celui qui la garde, hein, qui rattache les liens de parenté, Allah va le rattacher comme rétribution pour ses actions, il va le rattacher à tout ce qui est bien, tandis que celui qui coupe les liens de parenté, hein, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le couper de tout bien. La rétribution, donc, correspond aux actions. Et ça, tout ça, c'est les paroles que le cheikh a expliquées pour établir que la rétribution pour les gens du paradis au jour de la résurrection sera correspondante à leurs œuvres. Et que parmi les gens du paradis, il y aura ceux qui ont précédé. Et qui ont devancé les autres dans le bien et qui sont rapprochés d'Allah, il y aura les gens de la voie moyenne, al-muqtasidun, ceux qui sont en dessous des premiers, hein, entre les pécheurs et les pieux, ils sont en une voie intermédiaire, c'est-à-dire ils sont ils ne sont pas parmi les excellents, mais ils ne sont pas parmi les moins bons non plus. C'est les gens de la voie moyenne. Et il y a ceux qui se font des injustices à eux-mêmes, c'est-à-dire les pécheurs parmi les croyants. Hein, et donc eux sont peut-être à un niveau plus bas parmi les croyants. Et il y a ceux qui sont en dehors de la foi parmi les koufars et les munafiqines qui seront eux en enfer. Hein, et donc eux aussi, selon leur degré de mécréance et d'hypocrisie, ils auront une punition qui correspond. Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a expliqué dans plusieurs versets comme surat al-Waqi'a et surat al-Insan. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: wa awliya'u Allah ta'ala 'ala naw'ayn muqarrabun wa ashabu yamin. كما تقدم مقربون وأصحاب يمين كما تقدم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء فقال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Donc ce hadith, on l'a expliqué au tout début du livre par rapport au awliya d'Allah. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que les awliya d'Allah sont de deux catégories. Ceux qui sont les rapprochés d'Allah parmi les vertueux et ceux qui sont des gens de la droite. Comme on l'a expliqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que, il a expliqué les actions des deux groupes, ou de ces deux catégories-là, dans le hadith des awliya. Le hadith qui est défini ou qui explique les awliya. Donc, quelles sont les actions des deux catégories? Les muqarraboun, ceux qui sont très rapprochés d'Allah, et ashabul yamin, hein, les deux sont deux degrés parmi les awliya, ou deux catégories de awliya. Il dit dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: quiconque s'oppose à un de mes serviteurs rapprochés, c'est comme si il m'avait déclaré la guerre. C'est comme s'il déclare la guerre à Allah. Et il dit: un serviteur parmi mes serviteurs ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui est plus aimé. Non, c'est ça. Il dit: ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtuhu 'alayhi. C'est-à-dire que un serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose de meilleur que ce que je lui ai ordonné de faire. Et mon serviteur va continuer à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires ou supplémentaires à ce qui est obligatoire jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'aurai aimé, je serai son ouïe par lequel il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il frappe, et son pied par lequel, ou sa jambe par laquelle il marche. Et le cheikh, il a expliqué donc ce hadith-là en détail, on a expliqué chaque partie du hadith, mais il revient encore une fois sur ce hadith-là pour expliquer qu'il y a deux catégories parmi les awliya d'Allah. Et il l'explique ici, il dit: وهو حديث قدسي أن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة فالله يأثر لأوليائه فمن آذاهم أو عاداهم فإن الله يحاربه بالعقوبة العاجلة والآجلة الظاهرة والخفية ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. Hein, ou même m'afteradtu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني هذا عمل السابقين المقربين أنهم يتقربون إلى الله بالفرائض والنوافل، وجزاؤهم فأن الله يكون معهم ويسددهم ويثبتهم ويوفقهم، يوفقهم حتى أحبه يعني يحبهم. Donc on va traduire cette partie. Le Cheikh il explique ici que يعني on a expliqué d'après ce que ça a été rapporté par Al-Bukhari ce hadith qui est un hadith Qudsi. Le hadith Al-Qudsi ça veut dire que c'est la parole d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet contrairement à la parole d'Allah dans le Coran. Ça ici c'est la parole d'Allah mais ça ne fait pas partie du Coran, d'accord. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quiconque s'oppose à un de mes serviteurs rapprochés, un wali, eh bien je lui déclarerai la guerre. Et le cheikh il dit que ça veut dire que Allah il va se venger, il va venger son serviteur rapproché. Quand quelqu'un lui fait de l'injustice ou lui fait du tort, Allah subhanahu wa ta'ala va se venger de lui. Alors quiconque fait au serviteur rapproché d'Allah un mal quelconque ou une nuisance quelconque ou qui lui fait du tort et s'oppose à lui, Allah subhanahu wa ta'ala va le punir, va lui faire la guerre en lui donnant des punitions dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà qui sont apparentes ou cachées. C'est-à-dire il va le punir de manière apparente, visible, ou de manière cachée, c'est-à-dire de manière invisible. Il ne va pas s'en apercevoir. Et il dit, puis ensuite il mentionne la première catégorie, c'est que le serviteur ne se rapproche d'Allah, il ne se rapproche pas par quelque chose de meilleur ou de plus aimé pour Allah que ce que Allah lui a rendu obligatoire. Donc celui qui fait ce que Allah lui a ordonné, ça dit que il a fait ce que Allah aime le plus. Il a fait ce que Allah lui a rendu obligatoire. Puis il va continuer à se rapprocher d'Allah en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que Allah l'aime. Et ça c'est le fait qu'il fasse plus d'actions qui ne sont pas obligatoires mais qui sont seulement recommandées. Le fait qu'il en fasse plus, eh bien ça fait en sorte qu'il devient parmi les rapprochés, parmi les serviteurs qui devancent les autres et qui sont au devant des autres serviteurs d'Allah parce qu'il fait plus d'efforts dans l'adoration. Et ceux-là sont ceux qui non seulement font les actes d'adoration obligatoires pour se rapprocher d'Allah, mais en plus de ça ils font les actes surérogatoires qui sont en surplus pour se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala pour les rétribuer, il va les supporter, il va les raffermir, il va leur donner le succès et il va être avec eux, c'est-à-dire il va les aider. Al-Muqarraboun, ça vient de Qurb. Al-Qurb, c'est-à-dire Qarib. Qurb, ça veut dire proche. Donc c'est les serviteurs, les Muqarraboun, c'est les serviteurs qui ont une proximité, sont plus proches d'Allah, sont plus rapprochés d'Allah. Et ça c'est As-Sabiqoun, c'est ceux qui ont devancé les autres et qui ont été au devant des autres. C'est comme si on comparait la foi à une course entre les hommes vers Allah. Donc il y en a parmi les hommes qui sont en avant de tous les autres parce qu'ils font plus de bonnes œuvres et ils devancent les autres dans le bien et dans leur foi et dans leur sincérité ils sont en avant des autres. Donc il les appelle ici le Cheikh Ashabul Yamin. Il les appelle aussi parfois Al-Abrar. Ashabul Yamin, Al-Abrar. Il les désigne par différents noms, ok, mais ce sont des gens qui sont pieux et qui font le bien. On les appelle aussi Al-Muqtasidun. Al-Muqtasidun. Ça Ça, c'est le pluriel, muqtasidun. Sinon, le singulier, c'est muqtasid. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh, il explique que وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني حتى أحبه يعني يحبهم الله va les aimer parce qu'ils font plus d'actes surérogatoires en plus des actes obligatoires ils font des œuvres surérogatoires فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه معناه أن الله معهم يسددهم ويوفقهم فلا يمشون إلا إلى الخير ولا يمشون إلى مجالس الشر ولا يأخذون ويعطون بأيديهم إلا ما في الخير إلا ما فيه الخير ويستعملون أيديهم بالخير ولا يسمعون إلا ما يرضي الله عز وجل من القرآن والذكر والتسبيح والتهليل ولا يسمعون اللغو واللهو لا يسمعون اللغو واللهو وقول الزور والغيبة والنميمة لا يسمعون بآذانهم إلا ما يرضي الله لأن الله وفقهم وحفظ أسماعهم كذلك لا يبصرون إلا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى من التفكر في ملكوت الله عز وجل النظر إلى ما فيه صلاحهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم نظر الاعتبار والتذكر فالله يصونهم في جوارحهم فيستعملونها في الخير بدلا من أن يستعملوها في الشر الجزاء من جنس العمل لما تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل أحبهم الله وكان معهم سبحانه وتعالى. Donc la suite du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il dit et lorsque je l'aime hein, lorsque je l'aurai aimé à cause de ses bonnes œuvres, de ses actes obligatoires, de ses actes surérogatoires, une fois que je l'aurai aimé pour ça, eh bien je serai sa vue, je serai son ouïe par laquelle il entend et sa vue par laquelle il voit et sa main par laquelle il frappe et sa jambe par laquelle il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il cherche refuge en moi, je le protégerai. Et ici, le cheikh il explique que ça veut dire quoi ce hadith-là? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le succès, va les supporter, va les préserver contre le mal. Il dit que lorsqu'ils vont marcher avec leurs jambes, ils vont uniquement marcher vers ce qui est bien. C'est ça que ça veut dire que je serai leur il dit kuntu wa rijluhu allati yamshi biha, la jambe par laquelle il marche, hein, ça veut dire que il va uniquement marcher vers le bien. Et quand ils vont utiliser leurs mains, ils vont utiliser leurs mains uniquement pour faire du bien avec, donner de l'argent aux pauvres, faire des bonnes choses avec leurs mains. Ils vont utiliser leurs mains que pour le bien, leurs jambes que pour le bien, leurs yeux que pour le bien, leur bouche que pour le bien. Hein? Donc s'ils entendent, ils écoutent des choses, ils écoutent uniquement ce qui amène l'agrément d'Allah. Le Coran, le rappel d'Allah, le tasbih, hein, le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la glorification d'Allah, ils vont pas passer leur temps à écouter des distractions et des futilités et des choses mauvaises, hein, des paroles mensongères, des faux témoignages, de la médisance, de parler dans le dos des gens, ils n'écoutent pas ça. Ils ne vont pas écouter de la musique ou des choses comme ça. Ils vont uniquement entendre avec leurs oreilles ce qui amène l'agrément d'Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le succès, hein, et les a préservés dans leur oui, dans leurs oui, hein, dans les louis qu'ils ont, dans la vue qu'ils ont, hein. Donc ils ne regardent que ce qui amène l'agrément d'Allah, et ils regardent en réfléchissant sur la création d'Allah, hein, et ils regardent d'une manière, hein, qui les pousse à réfléchir et à prendre des leçons et à se souvenir, hein. Ils regardent toutes les choses dans lesquelles il y a un bienfait pour eux, quelque chose de bon pour eux. Et ils préservent leur corps et tous les membres de leur corps de l'employer dans autre chose que le bien. Hein, c'est-à-dire, ils ne vont pas utiliser leur corps pour faire quelque chose qui déplaît à Allah ou utiliser leurs membres pour faire quelque chose de mal. Et la rétribution, la récompense d'Allah pour eux sera en correspondance à le bien qu'ils ont fait, par rapport au fait qu'ils se sont rapprochés d'Allah en faisant des actes d'obéissance, et par le fait de faire des actes surérogatoires, et bien à cause de ça Allah va les aimer, et à cause de ça Allah va être avec eux, il va les préserver. Donc si par exemple quelqu'un il voit que, hein, il tombe dans les péchés facilement, il tombe dans la désobéissance facilement, ça c'est un signe qu'il doit faire attention, il doit se repentir à Allah et il doit faire plus d'efforts pour demander pardon à Allah pour ses péchés, et il doit faire plus d'efforts pour se repentir sincèrement et de lire le Coran plus souvent et d'essayer de comprendre et de l'appliquer, de se détourner de ce que Allah aime pas, hein, c'est très important de faire des efforts là, dans ces choses-là. Ensuite, le cheikh il explique, il dit فَالْأَبْرَارُ أَصْحَابُ الْيَمِينِ هُمُ الْمُتَقَرِّبُونَ إِلَيْهِ بِالْفَرَائِضِ يَفْعَلُونَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَتْرُكُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُكَلِّفُونَ أَنفُسَهُمْ بِالْمَنْدُوبَاتِ وَلَا الْكَفَّ عَنْ فُضُولِ الْمُبَاحَاتِ أما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. Donc ici le cheikh il explique, il dit, on dit donc, hein, de la catégorie de ceux qui font les actes obligatoires, hein, et qui se limite à faire les actes obligatoires et qui se limite à s'abstenir de ce que Allah a interdit seulement sans faire plus, que ceux-là sont les abrar, le pluriel de bar, hein, al-abrar c'est le pluriel de al-bar, donc les gens de la bonté, du bien, les gens de la droite, ashab al-yamin, hein. Et on les appelle donc Ashab al-Yamin et Al-Abrar dans le Coran. Ce sont ceux qui se rapprochent d'Allah en faisant les actes obligatoires. Ils se limitent à faire ce que Allah leur a obligé et ordonné de faire. Et ils délaissent ce que Allah leur a interdit. Mais ils ne vont pas se forcer à faire plus parmi les actes recommandés, ils ne vont pas s'abstenir des choses licites ou le surplus des actes, ou le surplus des choses qui sont permises. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'abstenir d'un surplus de choses permises, hein, ou d'un dépassement dans les choses permises. Tandis que les rapprochés et ceux qui sont les premiers dans la foi, eux, non seulement ils font les actes obligatoires, mais en plus de ça, après, ils font les actes recommandés et surérogatoires. Donc, ils font les actes obligatoires et les choses recommandées. Et ils délaissent non seulement les choses interdites, mais ils délaissent également les choses déconseillées. Hein? Et même parfois, ils vont même délaisser des choses permises, hein, qui peuvent parfois dépasser ou être un petit peu trop ou exagérées dans le but d'éviter de tomber dans des choses détestables ou interdites. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, « Ha'oula al-muqtasidun » Donc, ce sont les muqtasidun, al-abrar, ashab al-yamin. C'est les différents noms qui sont mentionnés pour les décrets dans le Coran. On les appelle, comme je te disais tout à l'heure, al-muqtasidun, al-abrar, ashab al-yamin. Ce sont ceux qui se limitent à faire les actes obligatoires et qui délaissent les choses interdites. Et ils délaissent les actes surérogatoires et recommandés. Ou ils en font, ou bien ils font parfois des actes déconseillés, qui sont des choses qui sont makro. Ils ne vont pas faire ce qui est haram, mais ils vont parfois faire ce qui est makro, c'est-à-dire ce qui est détestable. Et la définition de ce qui est makro, selon les fuqaha, c'est يعني ما يثاب فاعله ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. C'est ça la définition de al-makruh. C'est-à-dire que le makruh, qu'est-ce qui est makruh? C'est-à-dire qu'est-ce qui est détestable ou qu'est-ce qui est déconseillé? C'est ce que tu fais. Si tu le fais, tu vas être récompensé. Le macro, c'est si tu le fais pas. Yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. C'est ça, c'est le contraire. Donc, si tu le fais, tu vas pas être puni, mais si tu le fais, si tu l'abandonnes ou si tu le délaisses, tu vas être récompensé. C'est ça le macro. C'est ça qui est détestable. Ce qui est détestable, qu'on appelle macro, si tu le délaisses, tu es récompensé, et si tu le fais, tu n'es pas puni. Tandis que ce qui est haram, la définition c'est ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. C'est-à-dire c'est le contraire pour le haram. Le haram c'est si tu le fais pas, tu es récompensé et si tu le fais, tu vas être puni. Tandis que le makruh, si tu le fais pas, tu vas être récompensé, mais si tu le fais, tu vas pas être puni. C'est ça la différence entre les deux. D'accord? Donc, ici, al-abrar, c'est ceux-là. Ceux qui font ce qui est obligatoire, mais ils font pas plus. Ils font pas les actes recommandés. Et ils délaissent ce qui est haram, mais ils ne s'abstiennent pas ou ils ne délaissent pas les choses déconseillées ou détestables. Hein? Et le cheikh, il dit... Oui, c'est ça. Donc il dit اقتصروا على فعل الفرائض وترك المحرمات وقد يتركون النوافل او يفعلون شيئا من الامور المكروهه او يعطون انفسهم شيئا مما تشتهي من المباحات فهؤلاء لما اعطوا انفسهم شيئا مما يريحها فان الله عز وجل يعطيهم يوم القيامه مثل اعمالهم فلما مزجوا أعمالهم مزج الله لهم الشراب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل. Donc les gens qui sont dans cette catégorie-là, Allah les a appelés al-muqtasidun, les gens de la voie moyenne. Il les a appelés al-abrar, les gens du bien. Ou bien il les a appelés aussi ashab al-yamin, les gens de la droite. Et ça c'est dans surat Fatir et dans surat Al-Insan et dans surat Al-Waqi'ah, il a mentionné ces catégories-là parmi les croyants. Et donc il dit que c'est ceux qui se limitent à faire ce qui est obligatoire et qui délaissent ce qui est interdit. Par contre, ils ne vont pas faire les actes surérogatoires et c'est possible qu'ils fassent certains actes certains des actes qui sont déconseillés ou détestables, et il dit que ceux-là, ils se permettent parfois de faire des choses que leur âme désire parmi les choses licites. Hein? Ils se laissent aller dans les choses licites à ce que leur âme aime. Bon, en soi, c'est pas nécessairement interdit de faire ça, mais ça peut amener parfois à la paresse ou à, disons, à la longue, ça peut faire en sorte que la personne, elle commence à s'éloigner du rappel d'Allah petit à petit si elle se laisse trop aller dans les plaisirs licites. Donc il faut avoir l'équilibre quand même. Donc ça c'est la voie moyenne. Il dit donc ceux-là, ils vont se donner un petit peu ils vont se permettre de faire des fois des choses pour se reposer, hein, reposer leur âme en faisant des choses licites, des plaisirs licites si on veut. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner leurs œuvres il va les récompenser dans leurs œuvres et les rétribuer dans leurs œuvres selon leurs actions au jour de la résurrection. Et étant donné que leurs œuvres ont été mélangées, hein, il y a eu un mélange dans leurs œuvres, c'est-à-dire ils n'ont pas fait l'effort au maximum, ils n'ont pas délaissé les choses interdites. Ils ont délaissé les choses interdites, mais ils se sont permis parfois de faire des choses détestables. Donc parce qu'ils se sont permis de faire des choses détestables et parce qu'ils n'ont pas fait d'actes surérogatoires, leur récompense, elle va être mélangée de la même manière. Donc à cause de ça, leur breuvage qu'ils vont boire dans le paradis au jour de la résurrection, il ne va pas être pur. Ceux qui vont boire du breuvage qui est pur dans le paradis, ce sont les gens qui sont les premiers dans la foi, ceux qui ont devancé les autres dans la foi et qui ont été parmi les rapprochés d'Allah. Ceux-là, ils auront le breuvage pur, comme on l'a expliqué au dernier cours. Tandis que les autres, ils vont boire de ce breuvage, mais un mélange dans lequel il y a un goût de musc ou un goût de kafour ou un goût de zanjabil. Il y a un mélange dedans, hein, un goût de kafour ou un goût de musc ou un goût de gingembre. Tandis que les pieux, ceux qui ont devancé les autres dans la foi, les premiers, eux, le breuvage qu'ils vont boire, il va être pur. Hein? Il ne va pas avoir un arrière-goût ou un mélange dedans. Et c'est ça la différence donc dans leur rétribution au jour de la résurrection. On avait mentionné ça au dernier cours, c'est-à-dire le cours 29. Si on se rappelle de ça, on avait lu l'explication, qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas avait mentionné à ce sujet-là. Hein, Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا وهو كما قالوا لأنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها لأنه ضمن ذلك قوله يشرب يعني يروى بها فإن الشارب قد يشرب ولا يروى فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري على الري فإذا قيل يشربون بها كان معنى يروون بها. Donc on a expliqué ça au dernier cours, on va pas le répéter encore, mais c'est pour dire que ceux qui vont être parmi ceux qui ont été les premiers, ils vont être étanchés dans leur soif complètement. Et ils vont boire un mélange pur, pas un mélange, mais ils vont boire le breuvage pur. Tandis que les autres, ils vont en boire, mais ils vont pas être étanchés complètement dans leur soif, et leur breuvage sera un mélange, et non le breuvage pur. Il dit ensuite Amma as-sabiqoun. Oui, donc on, attends, je vais continuer la, la traduction, je n'avais pas fini. فهؤلاء لما أعطوا فإن الله يعطيهم يوم القيامة. C'est ça. Donc ensuite il dit فضول المباحات يعني الزائد يعطون أنفسهم ما تشتهيه من المباحات فهم جعلوا شيئا لأنفسهم من حياتهم وهذا مباح لا بأس به ولكنه ينقص ثوابهم عند الله فلا يكونون مع السابقين المقربين. Donc c'est ça. Ils se sont permis les surplus des permis, des permis, des choses permises. Ils se sont permis de prendre des surplus, hein, dans les choses licites et dans les choses permises. Et donc, ils se sont donné un petit peu de bien pour, dans leur vie. Et ça, c'est pas quelque chose de mal en soi. C'est pas quelque chose qui est interdit en soi, c'est permis. Sauf que ça va faire en sorte que leur récompense dans l'au-delà va être diminuée. Hein? Et donc, ils ne feront pas partie des gens qui ont été au-devant, qui ont dépassé les autres dans, dans le bien. Et il dit, وَهَذِهِ مِزَاتُهُمْ هَذِهِ مِزَاتُهُمْ يعني يعني المقربون لجان لرقشي لهذه ميزاتهم فجعلوا عملهم كله لله عز وجل ولم يجعلوا شيئا لأنفسهم مثل ما فعله الأبرار المقتصدون كانت حياتهم كلها لله آثروا ثواب الله ورضاه عنهم آثروه على شهوات أنفسهم وإن كانت مباحة تركوها لأجل الله وإن كانت مباحة فنالوا المرتبة العليا مرتبة السابقين المقربين. Donc le cheikh il dit que les gens qui sont parmi les premiers dans la foi et qui ont devancé les autres dans la foi et dans le bien, dans les bonnes œuvres, et également qui ont été rapprochés d'Allah, hein? Ils ont donné toutes leurs œuvres et ils ont fait toutes leurs œuvres pour Allah seulement. Hein? Toutes leurs œuvres étaient pour Allah seulement. Et ils n'ont rien fait pour eux-mêmes du tout. Donc ceux-là, ils n'ont pas fait comme les Abrar ou comme les Muqtasidoun. Ils n'ont pas fait comme les gens de bien ou les gens de la voie moyenne. Non, eux, ils ont mis toute leur vie, c'était pour Allah seulement. Et ils ont préféré la récompense d'Allah et son agrément à leur propre désir ou à leur propre bien, même si c'était dans des choses licites. Hein? Et ils ont délaissé, hein, les choses détestables ou les choses, même les choses licites, hein, que les gens faisaient, ils les ont délaissées pour Allah, même si c'était des choses permises. Si c'était des plaisirs licites, ils les ont délaissés pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc à cause de ça ils ont un degré plus élevé dans l'au-delà, hein, c'est le degré des rapprochés et de ceux qui ont devancé les autres dans la foi et dans la piété. Il dit le cheikh, فَلَمَّا تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِجَمِيعِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْبُوبَاتِهِمْ أحبهم الرب حبا تاما كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني الحب المطلق كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc le cheikh il explique ici que donc lorsque les rapprochés d'Allah, ils se sont rapprochés de lui avec tout ce qu'ils étaient capables et par toute leur force, hein, tout ce qu'ils pouvaient faire comme chose que Allah aime. Hein? Donc, puisqu'ils ont tout fait ce que Allah, ils ont tous fait ce qu'ils pouvaient pour, de ce que Allah aime, eh bien, à cause de ça, Allah les a aimés d'un amour complet. Il dit, de la même manière que Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi que le serviteur, il continuera à se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire l'amour complet, l'amour total, hein, l'amour absolu. Et il dit, et c'est comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Guide-nous sur le droit chemin ». Il dit ce qui signifie « Il dit « Ihdina as-sirata al-mustaqim » ce qui signifie « Guide-nous sur le droit chemin ». Le chemin de ceux sur qui yani, tu as mis ta grâce. An'amta alayhim. Et il dit le chemin, sur qui, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni de ceux qui se sont égarés, hein, ni des égarés. Et il dit c'est-à-dire ceux qui ont, ceux sur qui Allah a mis sa grâce, c'est-à-dire il a mis sa grâce absolue, complète sur eux. Et c'est la grâce qui est mentionnée dans, ou bien c'est plutôt ce qui a été mentionné dans le verset 69, dans Surat An-Nisa, que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ceux qui ont obéi à Allah et à son messager. Ceux-là seront avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Hein? Ceux qui obéissent à Allah et son messager, alors ceux-là seront avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs et les vertueux. Et comme elle, quelle belle compagnie que la leur. Hein? Comme elle est belle la compagnie de ceux-là. Et donc, c'est pour ça que le cheikh il explique ensuite, il dit al-hubb al-mutlaq yani al-hubb al-tam yani yuhibbuhum al-hubb al-tam. Allah yuhibb al-abrar wa yuhibb yani Allah subhanahu wa ta'ala yuhibb al-abrar wa yuhibb al-zalimin li anfusihim bi qadri ma ma'ahum min al-iman. Amma al-hubb al-tam fa huwa lis-sabiqin al-muqarrabin wal-abrar dunahum fi dhalik والظالمون لأنفسهم دون الأبرار يعني طبقات. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique que l'amour total, l'amour complet, l'amour absolu, c'est l'amour hein, par lequel Allah va aimer les pieux rapprochés parmi ceux qui ont été les premiers dans la foi. Allah les aime d'un amour total, un amour complet, et Allah aime les bienfaisants, ceux qui ont fait le bien parmi les abrar. Et il aime aussi ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, mais proportionnellement à ce qu'ils ont de foi. C'est-à-dire que l'amour que Allah a pour les rapprochés, parmi les premiers, ceux qui ont été les premiers dans la foi et dans l'adoration, il les aime d'un amour complet. Tandis que les abrar, il les aime, mais un degré en dessous, parce que leur foi est un degré plus bas. Donc, l'amour que Allah a pour eux est en dessous, hein, et un degré plus bas que l'amour de ceux qui ont été les premiers dans la foi et qui ont été rapprochés. Et l'amour d'Allah pour ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, elle est proportionnelle aussi à leur foi. Donc, elle est en dessous de l'amour des gens de la bonté, des gens de la droite, et de ceux qui sont sur la voie moyenne. Donc l'amour que Allah a pour ses serviteurs, elle correspond au degré de foi qu'ils ont. Elle est proportionnelle hein, au degré de la foi des hommes. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit « فالسابقون المقربون أنعم الله عليهم الإنعام التام الذي ليس فيه نقص أما من دونهم فالله أنعم عليهم أيضا مطلق الإنعام ولكن الإنعام المطلق لا. وهناك فرق بين الإنعام المطلق ومطلق الإنعام. يعني مطلق الإنعام يكون فيه نقص، أما الإنعام المطلق فلا نقص فيه، الجزاء من جنس العمل. وإلا فالأبرار المقتصدون الله أنعم عليهم بنعمة عظيمة، وكذلك الظالمون لأنفسهم الله أنعم عليهم بقدر ما معهم من الإيمان والهداية، لكنه إنعام دون إنعام الأبرار، والإنعام الأبرار دون إنعام المقربين. Donc le cheikh il explique que également la même chose dans la grâce que Allah a fait à ses serviteurs. Quand il dit qu'il a mis la grâce, ceux sur qui il a mis sa grâce, il faut comprendre que la grâce qu'il a mis sur ses serviteurs, ce n'est pas le même degré de grâce et le même niveau de grâce qu'il a mis sur eux. La grâce qu'il a mis sur les rapprochés et ceux qui ont devancé les autres dans la foi, c'est une grâce qui est complète, qui est entière. Tandis que la grâce de ceux qui sont en dessous d'eux, eh bien, il y a, disons qu'elle est inférieure ou elle est diminuée par rapport à la grâce qu'il a mise sur les autres qui ont précédé, qui ont devancé les autres dans la foi et qui sont rapprochés plus d'Allah. Donc, il dit, ceux-là, ils ont une grâce qui est complète. Et il faut donc distinguer entre la grâce complète et le minimum de la grâce. Donc, si par exemple, il explique, le cheikh, que la rétribution ou la récompense, elle correspond à l'action et au degré de la foi, au degré des œuvres. C'est proportionnel. Donc, il dit que par exemple, al-abrar, ceux qui sont sur la voie moyenne, Allah a mis sur eux une grâce immense, mais elle est moindre que la grâce qu'il a mise sur les rapprochés. De même que ceux qui se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, Allah a mis sur eux de sa grâce, mais proportionnellement à ce qu'ils ont comme foi et comme guidance. Mais malgré ça, c'est une grâce qui est moindre que la grâce de ceux qui font partie des gens de la bonté ou du bien, ou des gens de la voie moyenne. Et la grâce des gens de la voie moyenne, elle est moindre que la grâce de ceux qui sont rapprochés. Donc, je pense que ça, c'est simple à comprendre et c'est facile à comprendre pour celui qui a suivi comme il faut depuis les derniers cours l'explication à ce sujet-là. Et c'est pour faire comprendre en fait que les awliya d'Allah ne sont pas tous au même niveau. Oui, ils font partie des awliya d'Allah, mais ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, c'est les pécheurs parmi les croyants. Et donc, ils ont une part de la walaya d'Allah, mais leur part de walaya, le rapprochement qu'ils ont d'Allah et l'amour qu'ils ont d'Allah, elle est un niveau plus bas et plus faible que la walaya de ceux qui sont parmi les abrar ou parmi les muqarrabin. Il y a des degrés, c'est des degrés différents. Et donc, comme le cheikh Ibn Taymiyyah l'a expliqué, ils ont une part de walaya d'Allah qui correspond au bien qu'ils font et à leur foi. Et ils ont aussi une part de walaya au shaitan, dans le mal qu'ils font et les péchés qu'ils font. D'accord? Et donc, c'est comme si, en fait, l'être humain, il est toujours dans un combat et dans une lutte en lui-même entre sa foi en Allah et l'attirance à la désobéissance que le shaitan essaie toujours de l'attirer vers le péché. Et donc, quelqu'un il va toujours être en train de lutter contre ses passions, contre ses désirs, contre ses tentations, tout le temps. C'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose tout le temps. L'être humain il va toujours être en train de se battre toute sa vie pour éviter de tomber du mauvais côté et de rester du bon côté. D'accord? Et chacun, il a des degrés différents. C'est la même chose comme on retrouve dans la vie d'ici-bas. Par exemple, tu trouves que parmi les êtres humains, il y en a qui ont une patience plus grande que d'autres, d'autres qui ont une force physique plus que d'autres, d'autres qui ont une détermination plus forte que d'autres, d'autres qui ont des capacités pour certaines choses plus que d'autres. Hein? Il y en a qui sont plus forts, par exemple, dans le calcul et les mathématiques. Hein? À l'école, ils ont la facilité là-dedans. Et il y en a d'autres, à l'école, ils ont plus de facilité dans les choses littéraires et les choses qui ont rapport avec la langue et les sciences, comme on dit, les sciences humaines. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plus les choses qui ont rapport avec la science de la nature ou des choses comme ça. Donc, c'est pour dire que chacun, il a ses capacités, ses dons et ses forces et ses faiblesses. Et dans la religion aussi, c'est la même chose. Il y en a qui sont plus forts dans la foi et qui ont plus de facilité à faire des œuvres de bien. Il y en a d'autres qui aiment la science et qui aiment étudier. Il y en a d'autres qui aiment plus jeûner, hein, ils sont plus forts dans le jeûne, hein. Et il y en a d'autres qui aiment plus les sadaqat et faire plus de sadaqat, hein. Donc chacun, il a des actes d'adoration qu'il aime et dans lesquels il se retrouve, il retrouve plus de facilité, tu vois. Mais toutes ces choses-là sont c'est-à-dire, toutes ces choses-là sont des choses de bien, tu vois. C'est pour ça que une fois, Abu Bakr radiallahu anhu, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y avait d'autres compagnons qui étaient présents. Et quand il a dit qui d'entre vous aujourd'hui a donné en sadaqa? Et Abu Bakr a dit moi. Après il a dit qui d'entre vous aujourd'hui est allé voir un malade? Il a dit moi. Qui d'entre vous aujourd'hui a fait le jeûne? Il a dit moi. Qui d'entre vous a... Et donc c'est pour ça que Abu Bakr radiallahu anhu, il a Allah quand il répondait à chaque fois moi, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que ça disait dans le hadith que Allah il va lui donner le choix de rentrer par la porte du paradis qu'il veut, hein, et que Abu Bakr radiallahu anhu, c'est le plus l'homme dont la foi est la plus lourde dans la balance dans la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on mettait sa foi dans la balance et d'un côté on met la foi de toute la Ummah, la foi de Abu Bakr, elle est plus lourde. Hein? Donc ça veut dire que il a une grâce et un mérite et des bonnes œuvres. Personne parmi les musulmans ne peut dépasser Abu Bakr radiallahu anhu. Donc lui il a devancé tous les autres dans la foi. Tu vois? Et parce qu'il a fait plus de bonnes œuvres et il a été le premier parmi les hommes à accepter l'islam et à supporter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les autres qui sont venus après, c'est parce qu'ils ont profité de la da'wah de Abu Bakr aussi. Je pense que parmi les 10 qui ont été promus au paradis, c'est ceux que Abu Bakr a ramenés à l'islam après avoir accepté l'islam lui-même. Hein? Tous ceux qui ont été parmi les meilleurs croyants et les plus grands parmi les sahaba sont ceux que Abu Bakr a ramenés à l'islam après avoir accepté l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le bien que Abu Bakr a ramené, le fait qu'il a supporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments les plus difficiles et dans les épreuves, lorsque personne ne croyait à lui, hein? Il a été le premier à croire en son message. Donc comment quelqu'un pourrait être égal à lui dans la religion? D'accord? Donc, on voit que lui, c'est un des plus grands parmi les awliya de cette Ummah. Hein, c'est le plus grand croyant parmi les croyants de cette Ummah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, c'est Omar ibn al-Khattab. Et ensuite, c'est Uthman ibn Affan. Et ensuite, c'est Ali radiallahu anhum ajma'in. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour الفرقان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين